Écoute, ça s'est passé dans Hashtag. Vous écoutez Hashtag, merci d'être avec nous. On est toujours en compagnie de Xavier, qui va toujours bien, toujours en forme. Xavier, il va toujours là, oui. Tant mieux, Maëlle est aussi là. Salut Maëlle. Salut. Alors on est en pleine interview, on vous le disait il y a quelques instants, notre invité vient de nous rejoindre, c'est Noah sans H. Salut Noah. Salut. Comment vas-tu? Bah écoute, très très bien. Très, alors très bien. Je vais t'avouer un truc, en préparant cette interview, bien évidemment j'ai écouté tes chansons, j'ai écouté un petit peu ce que tu fais, je me suis promené sur ta page YouTube. Depuis 3 jours, j'ai cette chanson en tête. Longtemps, je pense à toi, te vois partout où tu n'es pas, j'ai même tendance à agir. Cette chanson, elle s'appelle Le Pourquoi. C'est ta première chanson que t'as sortie officielle? Voilà, c'est ça, c'est ma première sortie officielle. Et voilà, juste la première, quoi. Comment t'as travaillé ce son? Comment ça t'est venu l'inspi? Comment ça t'est venu tout ça? Et puis bah, pourquoi, tout simplement? Ce serait compliqué de répondre au pourquoi. Parce que voilà, c'est une chanson sur laquelle j'essaye de rester quand même assez vague, ouais, pour que les gens puissent tirer leurs propres conclusions, interpréter comme ils le veulent. Mais je pense qu'on se doute bien que je ne tire pas mes inspirations de nulle part, parce que je pense que voilà, j'arrive jamais à écrire quand ce sont des choses qui ne me sont pas personnellement arrivées. Maintenant voilà, je laisse les gens un peu tirer leur propre conclusion de cette chanson. Alors on va parler de ta musique, on va parler de ton inspiration pour la compo, pour l'écriture. Mais avant ça, peux-tu nous dire qui es-tu? Qui est Noah sans H? Du coup, Noah sans H, je suis étudiante. Donc je suis étudiante en deuxième année dans la communication digitale. Oui. Et puis Noah sans H, c'est quelqu'un qui s'est trouvé une passion pour la musique, qui est une passion qui est très présente depuis le premier confinement. J'ai commencé par m'acheter un piano. Et puis de fil en aiguille, j'ai écrit quelques mots. Et ces quelques mots se sont transformés en chansons. Et puis voilà, et puis jusqu'à sortir un son il y a un mois d'ici. Donc on parle de premier confinement, donc c'est assez récent au final. Oui, c'est très récent. Disons que j'ai toujours aimé tout ce qui était artistique. J'ai fait du théâtre auparavant, j'ai fait du théâtre pendant pas mal de temps. Et puis au final, quand je suis arrivée à l'université, je me suis rendu compte que j'avais quand même besoin de garder un contact avec quelque chose d'artistique. Oui. Et c'est de là que j'ai commencé la musique, en fait. Alors en te suivant sur les réseaux sociaux, j'ai vu que lors de la sortie de Pourquoi, t'as été quand même assez contente des retours qu'il y a eu, des écoutes aussi. T'étais contente, tout simplement? Totalement. Il faut dire que, étant donné que je suis pas quelqu'un qui est énormément suivi, on va dire qu'il y a pire, mais voilà. Je m'attendais pas du tout à ça. On est bientôt à 10 000 streams, mais sachant que c'est ma première chanson, faut savoir que je fais ça totalement toute seule, sauf ce qui est mastering, ça je fais pas, mais je m'occupe vraiment de tout, de la promo, des machins. Et voilà, donc c'était assez inespéré pour moi d'avoir 10 000 streams, bientôt du coup 10 000 streams sur cette chanson. Alors, on va parler d'un son qui va sortir aujourd'hui. On est le 29 aujourd'hui, au moment de cette interview. Ce sera ton deuxième son et il s'appellera « Manque de personnalité ». Voilà, c'est ça. C'est une deuxième chanson. C'est une chanson où j'avais un peu envie de créer le contraste entre « Pourquoi » et entre « Manque de personnalité ». C'est deux chansons qui sont totalement différentes, mais qui me tiennent. C'est une chanson aussi qui me tient particulièrement à cœur. Alors, si tu devrais définir le registre dans lequel tu te situes, ce serait lequel? Je pense qu'on est dans de la pop française, parce que j'aime vraiment bien la pop. Et il faut savoir que j'aime pas chanter en anglais. Enfin, du moins, ça ne me dérange pas. Mais sachant que ma langue, c'est le français, je me comprends mieux quand j'écris quand en français. Alors, je me suis promené sur ta chaîne YouTube. Dessus, on peut voir bien évidemment des covers. Et puis, on peut voir aussi des vidéos, on va dire, un peu plus fun, toujours en chanson, bien évidemment. Par exemple, une chanson sur le blocus. Tu as sorti ça un peu pendant cette crise. Tu es étudiante, tu l'as un petit peu vécu directement. Comment ça s'est passé pour toi, études, chansons, à ce moment-là? Comment ça s'est passé dans ta tête? Disons que quand j'ai eu fini de sortir Pourquoi directement, j'ai eu le blocus. Donc c'était un peu, tout était précipité, surtout qu'après j'avais encore une sortie juste après. Donc voilà, mais après j'ai eu de la chance d'avoir un blocus quand même assez cool. Mais je sais que pour certains potes étudiants, le blocus était très compliqué et c'était une manière de relativiser un peu. Ouais, alors il y a eu aussi une chanson avec Vomo, ça s'appelle comme ça, la chanson avec Vomo. Ça, c'était quoi ça, cette chanson avec Vomo? En fait, j'aime bien parfois demander des mots aux personnes qui me suivent et à la suite de ça, avec ces mots-là, faire des chansons tout simplement. Et je trouve ça assez gai, ça me permet d'employer d'autres mots, d'autres vocabulaires et puis finalement de me laisser un peu porter et de faire quelque chose de plus ludique. Bah, c'est un challenge aussi parce que je suppose qu'il y a de la recherche alors derrière tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais au final, ce sont des automatismes en fait. Donc la méthode de création finalement devient toujours la même. Ouais, alors on parlait tout à l'heure d'inspiration pour la compo et l'écriture. Tu l'as dit, tu fais tout toute seule, sauf le mastering. Comment ça se passe? Comment l'inspiration vient? Est-ce que tu écris un petit peu tous les jours? Tu rassembles tes notes? Enfin, comment ça se passe pour toi? Bah, disons que, par exemple, dès la fin du blocus, j'ai commencé à réécrire parce que j'avais besoin de faire des nouvelles chansons. Et puis finalement, quand j'ai eu fini d'écrire quelques chansons, je me suis remise un peu à la sortie du single parce que, étant donné, en fait, je pense qu'on se rend pas toujours compte, mais sortir une chanson, c'est pas seulement la sortir sur les plateformes, c'est faire énormément de choses derrière, envoyer des mails pour finalement que chacun puisse découvrir cette chanson finalement. Alors, nouvelle chanson qui sort aujourd'hui, elle s'appelle Manque de personnalité. Tu vas nous l'interpréter dans quelques instants. Ce sera donc pour la première fois, bien évidemment, vu qu'elle sort aujourd'hui. On te souhaite bien évidemment beaucoup de succès, beaucoup de réussite. On sait que c'est pas facile en ce moment. Comment on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Donc on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur ma page Facebook Noah Sans H, donc Noah Sans H en trois mots. Et sinon, on peut me trouver aussi sur Instagram, donc c'est noa.sanshh, donc S-A-N-S-H. Et puis aussi sur ma chaîne YouTube, toujours Noah Sans H en trois mots, et voilà. Je te propose de t'installer, de nous interpréter Manque de personnalité, c'est ok pour toi? Ça marche. On y va.